Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur l'antenne de Radioactive. On se retrouve pour un nouveau MAG consacré aujourd'hui à la venue du ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini, qui était en déplacement en région centre et s'est rendu à Amboise ce vendredi 17 mai pour échanger avec des agents publics. Accompagné de plusieurs parlementaires de la majorité engagée dans la préparation du projet de loi pour l'efficacité de la fonction publique, Stanislas Guérini a donc pu échanger avec les agents des trois versants de la fonction publique, des élus locaux et des représentants syndicaux, afin de nourrir les travaux en vue de la réforme pour l'efficacité de la fonction publique. Pour rappel, cette réforme comporte trois points fondamentaux. Le système de catégorie A, B, C que le ministre souhaite modifier, la rémunération au mérite des fonctionnaires et enfin la question du licenciement que ce dernier entend bien faciliter. Ce vendredi, c'est dans la salle Francis Poulenc à Amboise que Stanislas Guérini a proposé un temps d'échange avec des agents de la fonction publique de notre territoire, parmi lesquels des agents hospitaliers, des policiers et des agents de collectivités territoriales. Nous avons pu le rencontrer à l'issue de l'après-midi en présence de nos confrères de la Nouvelle République et de France 3. Monsieur le ministre, c'est une petite révolution que vous préparez là dans la fonction publique. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces moments d'échange comme celui d'aujourd'hui ? Pour moi, c'est essentiel. Ce qui me frappe beaucoup depuis que je suis ministre de la fonction publique, c'est qu'il y a beaucoup de règles qu'on fixe d'en haut et qu'on fixe pour tout le monde absolument de la même façon. Alors qu'on a 1000 métiers différents dans la fonction publique et donc on a besoin globalement de faire beaucoup plus confiance à ceux qui sont proches du terrain, à ceux qui prennent des décisions, qui sont face à nos concitoyens, qui connaissent leurs agents publics, qui sont parfois des employeurs territoriaux, parfois des élus, parfois dans des hôpitaux, dans des administrations déconcentrées. Et donc, l'ambition que j'ai, moi, c'est d'essayer de donner beaucoup plus de marge de manœuvre à ceux qui sont proches du terrain. Donc, pour bien penser les choses, pour ne pas être à côté de la plaque, mais il faut venir échanger avec les agents publics directement, avec les employeurs publics directement. C'est ça le sens des rencontres de la fonction publique que je mène partout en France, à chaque fois en proposant des moments d'échange sans aucun filtre, avec des agents publics des trois versants de la fonction publique, que ce soit hospitalier, que ce soit territoriaux, que ce soit d'État, de toutes les catégories administratives. Et ça permet d'avoir des échanges très ouverts, passionnants, où on part vraiment des réalités de terrain, de ce qui marche, de ce qui coince aujourd'hui, pour essayer de lever les verrous, et oui, avec une grande ambition, qui est au fond une ambition pour nos services publics, mais c'est la même ambition que celles que nos concitoyens ont pour leurs services publics. Ils veulent de l'efficacité des services publics, de l'efficacité de la fonction publique. Donc c'est ça que je suis en train de préparer. C'était quand même un sacré ping-pong, beaucoup de questions, beaucoup de réponses sur plein de sujets différents, pour plein de métiers différents ou catégories différentes. Qu'est-ce qu'on en retient ? Qu'est-ce que vous allez en rapporter à Paris finalement de cet après-midi ? Principalement le fait que ce qui est difficilement compréhensible aujourd'hui pour les agents publics, c'est que parfois ils font le même métier, mais que parce qu'ils ne sont pas dans le même versant, la fonction publique, dans le même service administratif, les règles du jeu sont complètement différentes. Ça, c'est ça qu'on a du mal à expliquer aujourd'hui. Et donc, on a besoin, et ça fait partie des ambitions que je porte pour la fonction publique, de penser métier de façon beaucoup plus forte, de penser compétences et pas que catégorie administrative. Et on a besoin, au fond, d'introduire dans la fonction publique cette capacité à valoriser les compétences, à faire en sorte que se former, ça change la donne, par exemple, dans un parcours de carrière, à valoriser les acquis de l'expérience, pour essayer de casser un peu les plafonds de verre. Voilà. Ce qu'exprimaient beaucoup les agents publics là, dans les échanges, parfois avec des frustrations sur leur métier, sur la reconnaissance de leur métier, c'est de ne pas comprendre, de se dire « je fais parfois le même métier que le voisin, mais tout est différent pour moi ». C'est ça que j'ai envie de changer. Vous avez parlé de la levée du tabou, du licenciement dans la fonction publique il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Jusqu'où vous voulez aller ? Qu'est-ce que vous voulez changer précisément ? Moi, je pense qu'il faut mieux reconnaître l'engagement, le mérite des agents publics qui font sur le terrain, qui pour l'immense majorité d'entre eux mouillent la chemise, font leur travail, sont à la hauteur des attentes. Et qu'on puisse, au fond, mieux distinguer dans la fonction publique. Donc ce que je dis, c'est que je ne veux pas mettre du tout à bas le statut de la fonction publique. Il y a une garantie de l'emploi dans la fonction publique. Je crois que c'est important et ça doit distinguer le public du privé. Mais que le statut de la fonction publique n'a jamais considéré qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne faisait pas son travail. C'est aussi simple que ça. Et donc, je veux qu'on se donne des outils un peu moins binaires que ceux qui existent aujourd'hui, où on est tout de suite soit dans une faute lourde, et qu'au fond, cette notion-là d'insuffisance professionnelle est assez mal définie. Et donc, c'est pas l'alpha et l'oméga, le projet de loi que je porte, mais ça fait partie des sujets, je crois, qu'il faut le mettre sur la table aujourd'hui. Il y a une partie des fonctionnaires qui ne font pas leur travail aujourd'hui. Mais je crois que chacun peut percevoir que dans un collectif de travail, c'est une infime minorité de gens qui peuvent ne pas être à la hauteur des fonctions qui leur sont confiées. Et qu'il faut parfois être un peu décalé pour considérer que si sur 100 personnes, il y a une personne qui ne fait pas son travail et que ça n'a pas de conséquences, ce n'est pas démotivant pour les 99 personnes autres qui font justement très bien leur travail. Donc cette question-là que j'ai posée, je crois qu'elle n'est même pas vocation à être polémique. Elle est assez simple au fond. Et vous voyez, je pense qu'elle choque beaucoup moins quand on discute avec des agents publics qui vivent la fonction publique au quotidien, qui connaissent les réalités du terrain, de l'intérieur. Ce n'est pas un sujet qui fait polémique dans nos échanges. Ça le fait un peu plus parfois sur des plateaux de télévision, mais ça, ce n'est pas très grave. La réforme de la fonction publique, un sujet qui fait grincer des dents les syndicats, qui dénoncent un projet flou, réclament plus de transparence et davantage de temps. Le projet doit en effet être présenté à l'automne. C'est la fin de ce mag, à demain pour une nouvelle édition. Bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.